truc de ouf. Pas moyen de survivre, toujours en train de faire des choses illicites. Faut faire du bif, est-ce qu'il est keuf? Éviter les perquis, préparer les gueules. Nous sommes la mafia, Tony Montana. C'est rien comparé à nos soldats. Nous sommes préparés au combat, toujours prêts à nous battre sur le champ de bataille. La guerre est proche, tout le monde est sur le vif. Près de nos proches, nous sortons les fusils. Mais pas possible de mourir, nous sommes invincibles. On est formé pour tuer. La guerre est proche, tout le monde est sur le vif. Près de nos proches, nous sortons les fusils. Pas possible de mourir, nous sommes invincibles. On est formé pour tuer. Aucun sentiment quand nous passons à l'acte. On découpe des têtes juste pour de l'oseille. On est là pour se faire de la marge, car les contrats sont là et ça rapporte grave. C'est juste un taf d'une courte durée à base d'un milliard de dollars par mois. Nos secteurs, c'est les States. Rejoins-nous, agrandis nos troupes. La guerre est proche, tout le monde est sur le vif. Près de nos proches, nous sortons les fusils. Mais pas possible de mourir, nous sommes invincibles. On est formé pour tuer. La guerre est proche, tout le monde est sur le vif. Près de nos proches, nous sortons les fusils. Mais pas possible de mourir, nous sommes invincibles. On est formé pour tuer. La guerre est proche, tout le monde est sur le vif. Près de nos proches, nous sortons les fusils. Mais pas possible de mourir, nous sommes invincibles. On est formé pour tuer. La guerre est proche, tout le monde est sur le vif. Près de nos proches, nous sortons les fusils. Mais pas possible de mourir, nous sommes invincibles. On est formé pour tuer.